Psaume 19. Psaume de David, donné au maître chantre. Les cieux racontent la gloire du Dieu fort, et l'étendue donne à connaître l'ouvrage de ses mains. Un jour fournit en abondance de quoi parler à l'autre jour, et une nuit montre la science à l'autre nuit. Il n'y a point en eux de langage, il n'y a point de parole, toutefois leur voix est vie. Leur contour couvre toute la terre, et leur voix est allée jusqu'au bout du monde habitable. Il a posé en eux un pavillon pour le soleil. Tellement qu'il est semblable à un époux sortant de son cabinet nuptial, il s'égaye comme un homme vaillant pour faire sa course. Son départ est de l'un des bouts des cieux, et son tour se fait sur l'un et sur l'autre bout, et il n'y a rien qui se puisse mettre à couvert de sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite, restaurant l'âme, le témoignage de l'Éternel est assuré, donnant la sagesse simple. Les commandements de l'Éternel sont droits, ils réjouissent le cœur, le commandement de l'Éternel est pur, et fait que les yeux voient. La crainte de l'Éternel est pure, permanente à perpétuité, les jugements de l'Éternel ne sont que vérité, et ils se trouvent pareillement justes. Ils sont plus désirables que l'or, même que beaucoup de fin or, et plus doux que le miel, même que ce qui distille des rayons de miel. Aussi ton serviteur est rendu éclairé par eux, et il y a un grand salaire à les observer. Qui est-ce qui connaît ces fautes commises par erreur? Purifie-moi de mes fautes cachées. Éloigne aussi ton serviteur des actions commises par fierté, en sorte qu'elles ne dominent point en moi, alors je serai pur, et serai net des grands crimes. Que les propos de ma bouche et la méditation de mon cœur te soient agréables, ô Éternel, mon rocher et mon rédempteur.